En d'Islande, chapitre 16. Elle eût été si facilement heureuse. Une simple cabane dans une vallée des Alpes, quelques occupations domestiques, aurait suffi pour satisfaire ses modestes désirs et remplir sa douce vie. Mais moi, l'ennemi de Dieu, je n'ai pas eu de repos que je n'ai brisé son cœur, que je n'ai fait tomber en ruine sa destinée. Il faut qu'elle soit la victime de l'enfer. Goethe, Faust. En 1675, c'est-à-dire 24 années avant l'époque où se passe cette histoire, hélas, ça avait été une fête charmante pour tout le hameau de Troctree, que le mariage de la douce Lucie Pelnir et du beau, du grand, de l'excellent jeune homme, Carol Statt. Il est vrai de dire qu'ils s'aimaient depuis longtemps. Et comment tous les cœurs ne se seraient-ils pas intéressés aux deux jeunes amants le jour où tant d'ardents désirs, tant d'inquiètes espérances allaient enfin se changer en bonheur. Nés dans le même village, élevés dans les mêmes champs, bien souvent dans leur enfance, Carol s'était endormie après leur jeu sur le sein de Lucie. Bien souvent, dans leur adolescence, Lucie s'était, après leurs travaux, appuyée sur le bras de Carol. Lucie était la plus timide et la plus jolie des filles du pays. Carol, le plus brave et le plus noble des garçons du canton. Ils s'aimaient, et ils n'auraient pas mieux pu se rappeler le jour où ils avaient commencé d'aimer que le jour où ils avaient commencé de vivre. Mais leur mariage n'était pas venu comme leur amour, doucement et de lui-même. Il y avait eu des intérêts domestiques, des haines de famille, des parents, des obstacles. Une année entière, ils avaient été séparés, et Carole avait bien souffert loin de sa Lucie, et Lucie avait bien pleuré loin de son Carole, avant le jour bienheureux qui les réunissait, pour désormais ne plus souffrir et pleurer qu'ensemble. C'était en la sauvant d'un grand péril que Carole avait enfin obtenu sa Lucie. Un jour, il avait entendu des cris dans un bois. C'était sa Lucie qu'un brigand, redouté de tous les montagnards, avait surprise et paraissait vouloir enlever. Carole attaqua hardiment ce monstre à face humaine, auquel le singulier rugissement qu'il poussait comme une bête féroce avait fait donner le nom de An. Oui, il attaqua celui que personne n'osait attaquer. Mais l'amour lui donnait des forces de lion. Il délivra sa bien-aimée Lucie, la rendit à son père, et le père la lui donna. Or, tout le village fut joyeux le jour où l'on unit ces deux fiancés. Lucie seule paraissait sombre. Jamais pourtant elle n'avait attaché un regard plus tendre sur son cher Carole. Mais ce regard était aussi triste que tendre. Et dans la joie universelle, c'était un sujet d'étonnement. De moment en moment, plus le bonheur de son ami semblait croître, plus ses yeux exprimaient de douleur et d'amour. « Oh, ma Lucie !» lui dit Carole après la sainte cérémonie. « La présence de ce brigand qui est un malheur pour toute la contrée aura donc été un bonheur pour moi ?» On remarqua qu'elle secoua la tête et ne répondit rien. Le soir vint, on les laissa seuls dans leur chaumière neuve, et les danses et les jeux redoublèrent sur la place du village pour célébrer la félicité des deux époux. Le lendemain matin, Carol Statt avait disparu. Quelques mots de sa main furent remis au père de Lucie Pelnir par un chasseur des monts de Col, qu'il avait rencontré avant l'aube, errant sur les grèves du golfe. Le vieux Will Pelnir montra ce papier au pasteur et au syndic, et il ne resta de la fête de la veille que l'abattement et le morne désespoir de Lucie. Cette catastrophe mystérieuse consterna tout le village, et l'on s'efforça vainement de l'expliquer. Des prières pour l'âme de Carole furent dites dans la même église où, quelques jours auparavant, lui-même avait chanté des cantiques d'action de grâce sur son bonheur. On ne sait ce qui retint à la vie la veuve Stadt. Au bout de 9 mois de solitude et de deuil, elle mit au monde un fils, et, le jour même, le village de Gollin fut écrasé par la chute du rocher pendant qui le dominait. La naissance de ce fils ne dissipa point la douleur sombre de sa mère. Gilles Stadt n'annonçait en rien qu'il dût ressembler à Carole. Son enfance farouche semblait promettre une vie plus farouche encore. Quelquefois, un petit homme sauvage, dans lequel des montagnards qu'il avait vus de loin affirmaient reconnaître le fameux An d'Islande, venait dans la cabane déserte de la veuve de Carole, et ceux qui passaient alors près de là en entendaient sortir des plaintes de femmes et des rugissements de tigres. L'homme emmenait le jeune Gilles, et des mois s'écoulaient. Puis il le rendait à sa mère, plus sombre et plus effrayante encore. La veuve Stadt avait pour cet enfant un mélange d'horreur et de tendresse. Quelquefois, elle le serrait dans ses bras de mère, comme le seul lien qui l'attachât encore à la vie. D'autres fois, elle le repoussait avec épouvante, en appelant Carole, son cher Carole. Nul être au monde ne savait ce qui bouleversait son cœur. Gilles avait passé sa 23e année. Il vit Gudstersen et l'aima avec fureur. Gudstersen était riche et il était pauvre. Alors, il partit pour Roeras afin de se faire mineur et de gagner de l'or. Depuis lors, sa mère n'en avait plus entendu parler. Une nuit, assise devant le rouet qui la nourrissait, elle veillait, avec sa lampe à demi éteinte, dans sa cabane, sous ses murs vieillis comme elle, dans la solitude et le deuil, muet témoin de la mystérieuse nuit de ses noces. Inquiète, elle pensait à son fils, dont la présence, si vivement désirée, allait lui rappeler et peut-être lui apporter bien des douleurs. Cette pauvre mère aimait son fils, tout ingrat qu'il était. Et comment ne l'aurait-elle pas aimé? Elle avait tant souffert pour lui. Elle se leva, alla prendre au fond d'une vieille armoire un crucifix rouillé dans la poussière. Un moment, elle le considéra d'un œil suppliant, puis tout à coup, le repoussant avec effroi, « Prier ! » cria-t-elle. « Est-ce que je puis prier ? Tu n'as plus à prier que l'enfer, malheureuse. C'est à l'enfer que tu appartiens. » Elle retombait dans sa sombre rêverie lorsqu'on frappa à la porte. C'était un événement rare chez la veuve Stadt, car depuis longues années, grâce à ce que sa vie offrait d'extraordinaire, tout le village de Toctry la croyait en commerce avec les esprits infernaux. Aussi, nul n'approchait de sa cabane. Étrange superstition de ce siècle et de ce pays d'ignorance. Elle devait au malheur la même réputation de sorcellerie que le concierge de Splatgest devait à la science. « Si c'était mon fils, si c'était Gilles !» s'écria-t-elle, et elle s'élança vers la porte. Hélas, ce n'était pas son fils. C'était un petit ermite vêtu de bure, dont le capuchon rabattu ne laissait voir que la barbe noire. « Saint homme, dit la veuve, que demandez-vous? Vous ne savez pas à quelle maison vous vous adressez. » « Si, vraiment, répliqua l'ermite d'une voix rauque et trop connue. Et, arrachant ses gants, sa barbe noire et son capuchon, il découvrit un atroce visage, une barbe rousse et des mains armées d'ongles hideux. « Oh ! » cria la veuve, et elle cacha sa tête dans ses mains. « Eh bien, dit le petit homme, est-ce que, depuis 24 ans, tu ne t'es pas encore habitué à voir l'époux que tu dois contempler durant toute l'éternité ? » Elle murmura avec épouvante, « L'éternité ! » « Écoute, Lucie Pelnir, je t'apporte des nouvelles de ton fils. »« De mon fils ? Où est-il ? Pourquoi ne vient-il pas ? » ?»« Il ne peut. » »« Mais vous avez de ces nouvelles, je vous rends grâce. Hélas, vous pouvez donc m'apporter du bonheur. » « C'est le bonheur, en effet, que je t'apporte, » dit l'homme d'une voix sourde, « car tu es une faible femme, et je m'étonne que ton ventre ait pu porter un pareil fils. Réjouis-toi donc, Tu craignais que ton fils ne marchât sur ma trace. Ne crains plus rien. Quoi ? S'écria la mère avec ravissement. Mon fils, mon bien-aimé Gilles, est donc changé ? L'ermite regardait sa joie avec un rire funeste. Oh, bien changé, dit-il. Mais pourquoi n'est-il pas accouru dans mes bras ? Où l'avez-vous vu ? Que faisait-il ? Mais il dormait. La veuve, dans l'excès de sa joie, ne remarquait ni le regard sinistre, ni l'air horriblement railleur du petit homme. Pourquoi ne l'avoir pas réveillé ? Ne lui avoir pas dit « Gilles, viens voir ta mère !» Son sommeil était profond. Oh, quand viendra-t-il ? Apprenez-moi, je vous en supplie, si je le reverrai bientôt. Le faux ermite tira de dessous sa robe une espèce de coupe d'une forme singulière. « Eh bien, veuve, dit-il, bois au prochain retour de ton fils. » La veuve poussa un cri d'horreur. C'était un crâne humain. Elle fit un geste d'épouvante et ne put proférer une parole. « Non, non, cria tout à coup l'homme avec une voix terrible. « Ne détourne pas les yeux, femme. Regarde. Tu demandes à revoir ton fils. Regarde, te dis-je, car voilà tout ce qui en reste. » Et, aux lueurs de la lampe rougeâtre, il présentait aux lèvres pâles de la mère le crâne nu et desséché de son fils. Trop de malheurs avaient passé sur cette âme pour qu'un malheur de plus la brisât. Elle éleva sur le farouche ermite un regard fixe et stupide. « Oh, la mort ! Dit-elle faiblement. « La mort ! Laissez-moi mourir !»« Meurs, si tu veux, mais souviens-toi, Lucie Pelnir, du bois de Troétré. Souviens-toi du jour où le démon, en s'emparant de ton corps, a donné ton âme à l'enfer. Je suis le démon, Lucie, et tu es mon épouse éternelle. Maintenant, meurs, si tu veux. » C'était une croyance, dans ces contrées superstitieuses, que des esprits infernaux apparaissent parfois parmi les hommes pour y vivre des vies de crimes et de calamités. Entre autres fameux scélérats, An d'Islande avait cette effrayante renommée. On croyait encore que la femme qui, par séduction ou par violence, était la proie d'un de ces démons à forme humaine, devenait irrévocablement par ce malheur sa compagne de damnation. Les événements que l'ermite rappelait à la veuve parurent réveiller en elle ses idées. « Hélas ! Dit-elle douloureusement. « Je ne puis donc échapper à l'existence. Et qu'ai-je fait ? Car tu le sais, mon bien-aimé Carole, je suis innocente. Le bras d'une jeune fille n'a point la force du bras d'un démon. » Elle poursuivit. Ses regards étaient pleins de délire et ses paroles incohérentes semblaient nées du tremblement convulsif de ses lèvres. « Oui, Carole, depuis ce jour, je suis impure et innocente. Et le démon me demande si je me le rappelle cet horrible jour. Mon Carole, je ne t'ai point trompée. Tu es venue trop tard. J'étais à lui avant d'être à toi, hélas. Hélas, et je serai punie éternellement. Non, je ne vous rejoindrai pas, vous que je pleure. À quoi bon mourir ? J'irai avec ce monstre, dans un monde qui lui ressemble, dans le monde des réprouvés. Et qu'ai-je donc fait ? Mes malheurs dans la vie seront mes crimes dans l'éternité. » Le petit ermite appuyait sur elle un regard de triomphe et d'autorité. « Ah ! S'écria-t-elle tout à coup en se tournant vers lui. « Ah ! Dites-moi, ceci n'est-il pas quelque rêve affreux que votre présence m'apporte ? Car vous le savez, hélas, depuis le jour de ma perte, toutes les fatales nuits où votre esprit m'a visité ont été marquées pour moi par d'impures apparitions, d'effrayants songes et des visions épouvantables. Femme, femme, reviens à la raison. Il est aussi vrai que tu es éveillée qu'il est vrai que Gilles est mort. » Le souvenir de ses anciennes infortunes avait comme effacé en cette mère celui de son nouveau malheur. Ses paroles le lui rendirent. « Oh, mon fils, dit-elle. et le son de sa voix aurait ému tout autre que l'être méchant qui l'écoutait. « Non, il reviendra, il n'est pas mort, je ne puis croire qu'il est mort. »« Eh bien, va le demander au rocher de Hoeras qui l'ont écrasé, au golfe de Trondheim qui l'a enseveli. » La veuve tomba à genoux et cria avec effort « Dieu, grand Dieu !»« Tais-toi, servante de l'enfer !» La malheureuse se tut. Il poursuivit. « Ne doute pas de la mort de ton fils. Il a été puni par où son père a failli. Il a laissé amollir son cœur de granit par un regard de femme. Moi, je t'ai possédé, mais je ne t'ai jamais aimé. Le malheur de ton Carole est retombé sur lui. Mon fils et le tien a été trompé par sa fiancée, par celle pour qui il est mort. Mort, reprit-elle, mort, cela est donc vrai. Oh, Gilles, tu étais né de mon malheur. Tu avais été conçu dans l'épouvante et enfanté dans le deuil. Ta bouche avait déchiré mon sein. Enfant, jamais tes caresses n'avaient répondu à mes caresses, tes embrassements à mes embrassements. Tu as toujours fui et repoussé ta mère. Ta mère si seule et si abandonnée dans la vie. Tu ne cherchais à me faire oublier mes maux passés qu'en me créant de nouvelles douleurs. Tu me délaissais pour le démon auteur de ton existence et de mon veuvage. Jamais, durant de longues années, Gilles, jamais une joie ne m'est venue de toi. Et cependant aujourd'hui, ta mort, mon fils, me semble la plus insupportable de mes afflictions. Aujourd'hui, ton souvenir me semble un souvenir d'enchantement et de consolation. Hélas ! Elle ne put continuer. Elle cacha sa tête dans son voile de bure noire et on l'entendait sangloter douloureusement. « Faible femme !» murmura l'ermite. Puis il reprit d'une voix forte « Dompte ta douleur, je me suis joué de la mienne. Écoute, Lucie Pelnir, pendant que tu pleures encore ton fils, j'ai déjà commencé à le venger. C'est pour un soldat de la garnison de Munkholm que sa fiancée l'a trompé. Tout le régiment périra par mes mains. Vois, Lucie Pelnir. » Il avait relevé les manches de sa robe et montrait à la veuve ses bras difformes teints de sang. « Oui, » dit-il en poussant une sorte de rugissement, « c'est aux grèves d'Urktal, c'est aux gorges de Kaskatimor que l'esprit de Gilles doit se promener avec joie. Allons, femme, ne vois-tu pas ce sang? Console-toi donc !» Puis, tout à coup, comme frappé d'un souvenir, il s'interrompit. « Veuve, ne t'a-t-on pas remis de ma part un coffre de fer ?»« Quoi ? Je t'ai envoyé de l'or, et je t'apporte du sang, et tu pleures encore. Tu n'es donc pas de la race des hommes !» La veuve, absorbée dans son désespoir, gardait le silence. « Allons !» dit-il avec un rire farouche. « Muette et immobile !» Tu n'es donc pas non plus de la race des femmes, Lucie Pelnir. » Et il secouait son bras pour qu'elle l'écoutât. « Est-ce qu'un messager ne t'a pas apporté un coffre de fer scellé ?» La veuve, lui accordant une attention passagère, fit un signe de tête négatif et retomba dans sa morne rêverie. « Ah, le misérable !» cria le petit homme. « Le misérable infidèle ! Spiagudry, cette tort te coûtera cher !» Et, dépouillant sa robe d'ermite, il s'élança hors de la cabane avec le grondement d'une hyène qui cherche un cadavre. Chapitre 17. Seigneur, je peigne mes cheveux, je les peigne en pleurant, parce que vous me laissez seule et que vous vous en allez dans les montagnes. La Dame au Conte, romance. Ethel, cependant, avait déjà compté 4 jours longs et monotones depuis qu'elle errait seule dans le sombre jardin du donjon de Schleswig. Seule dans l'oratoire, témoin de tant de pleurs et confident de tant de vœux. Seule dans la longue galerie, où, une fois, elle n'avait pas entendu sonner minuit. Son vieux père l'accompagnait quelquefois, mais elle n'en était pas moins seule, car le véritable compagnon de sa vie était absent. Malheureuse jeune fille, qu'avait fait cette âme jeune et pure pour être déjà livrée à tant d'infortunes? Enlevée au monde, aux honneurs, aux richesses, aux joies de la jeunesse, aux triomphes de la beauté, elle était encore au berceau qu'elle était déjà dans un cachot. Captive près d'un père captif, elle avait grandi en le voyant dépérir. Et pour comble de douleur, pour qu'elle n'ignorât aucun esclavage, l'amour était venu la trouver dans sa prison. Encore, si elle eût pu avoir son ordinaire auprès d'elle, que lui eût fait la liberté? Eût-elle su seulement s'il existait un monde dont on la séparait? Et d'ailleurs, son monde, son ciel, n'eussent-ils pas été avec elle dans cet étroit donjon, sous ces noires tours hérissées de soldats, et vers lesquels le passant n'en aurait pas moins jeté un regard de pitié? Mais, hélas, pour la seconde fois, son ordinaire était absent. Et, au lieu de couler près de lui des heures bien courtes, mais toujours renaissantes, dans de saintes caresses et de chastes embrassements, elle passait les nuits et les jours à pleurer son absence et à prier pour ses dangers. Car une vierge n'a que sa prière et ses larmes. Quelquefois, elle enviait ses ailes à l'hirondelle libre qui venait lui demander quelque nourriture à travers les barreaux de sa prison. Quelquefois, elle laissait fuir sa pensée sur le nuage qu'un vent rapide enfonçait dans le nord du ciel. Puis tout à coup, elle détournait sa tête et voilait ses yeux, comme si elle eût craint de voir apparaître le gigantesque brigand et commencer le combat inégal sur l'une des montagnes lointaines, dont le sommet bleuâtre rampait à l'horizon, ainsi qu'une nuée immobile. Oh, qu'il est cruel d'aimer alors qu'on est séparé de l'être qu'on aime! Bien peu de cœurs ont connu cette douleur dans toute son étendue, parce que bien peu de cœurs ont connu l'amour dans toute sa profondeur. Alors, étranger en quelque sorte à sa propre existence, on se crée pour soi-même une solitude morne, un vide immense. Et pour l'être absent, je ne sais quel monde effrayant de périls, de monstres et de déceptions. Les diverses facultés qui composaient notre nature se changent et se perdent en un désir infini de l'être qui nous manque. Tout ce qui nous environne est hors de notre vie. Cependant, on respire, on marche, on agit, mais sans la pensée. Comme une planète égarée qui aurait perdu son soleil, le corps se meut au hasard. L'âme est ailleurs. Chapitre 18. Sur un grand bouclier, ses chefs impitoyables épouvantent l'enfer de serments effroyables. Et près d'un taureau noir qu'ils viennent d'égorger, tous, la main dans le sang, jurent de se venger. Les sept chefs devant Thèbes. Les rivages de Norvège abondent en baies étroites, en criques, en récifs, en lagunes, en petits caps tellement multipliés qu'ils fatiguent la mémoire du voyageur et la patience du topographe. Autrefois, à en croire les discours populaires, chaque isthme avait son démon qui le hantait, chaque anse sa fée qui l'habitait, chaque promontoire son saint qui le protégeait. Car la superstition mêle toutes les croyances pour se faire des terreurs. Sur la grève de Kelvel, à quelques milles au nord de la grotte de Val des Rogues, un seul endroit, disait-on, était libre de toute juridiction des esprits infernaux, intermédiaires ou célestes. C'était la clairière riveraine dominée par le rocher, sur le sommet duquel on apercevait encore quelques vieilles ruines du manoir de Ralph ou Radulf le géant. Cette petite prairie sauvage, bordée au couchant par la mer et étroitement encaissée dans des roches couvertes de bruyères, devait ce privilège au nom seul de cet ancien sire norvégien, son premier possesseur. Car quelle fée, quel diable ou quel ange eût osé se faire l'hôte ou le patron du domaine autrefois occupé et protégé par Ralph le géant. Il est vrai que le nom seul du formidable Ralph suffisait pour imprimer un caractère effrayant à ces lieux déjà si sauvages. Mais, à tout prendre, un souvenir n'est pas si redoutable qu'un esprit. Et jamais un pêcheur, attardé par le gros temps en amarrant sa barque dans la crique de Ralph, n'avait vu le follet rire et danser parmi des âmes sur le haut d'un rocher, ni la fée parcourir les bruyères dans son char de phosphore traîné par des vers luisants, ni le saint remonter vers la lune après sa prière. Si, pourtant, la nuit qui suivit le grand orage, les houles de la mer et la violence du vent eussent permis à quelques mariniers égarés d'aborder dans cette baie hospitalière, peut-être eût-il été frappé d'une superstitieuse épouvante en contemplant les trois hommes qui, cette nuit-là, s'étaient assis autour d'un grand feu allumé au milieu de la clairière. Deux d'entre eux étaient couverts de grands chapeaux de feutre et de larges pantalons des mineurs royaux. Leurs bras étaient nus jusqu'à l'épaule, leurs pieds cachés dans des bottines fauves. Une ceinture d'étoffe rouge soutenait leurs sabres recourbés et leurs longs pistolets. Tous deux portaient une trompe de corne suspendue à leur cou. L'un était vieux, l'autre était jeune. Et l'épaisseur de la barbe du vieillard, la longueur des cheveux du jeune homme, ajoutait quelque chose de sauvage à leur physionomie, naturellement dure et sévère. À son bonnet de peau d'ours, à sa casaque de cuir huilé, au mousquet fixé en bandoulière à son dos, à sa culotte courte et étroite, à ses genoux nus, à ses sandales d'écorce, à la hache étincelante qu'il portait à la main, il était facile de reconnaître, dans le compagnon des deux mineurs, un montagnard du nord de la Norvège. Certes, celui qui eût aperçu de loin ces trois figures singulières, sur lesquelles le foyer, agité par les brises de mer, jetait des lueurs rouges et changeantes, eût pu être à bon droit effrayé, sans même croire aux spectres et aux démons. Il lui eût suffi pour cela de croire aux voleurs et d'être un peu plus riche qu'un poète. Ces trois hommes tournaient souvent la tête vers le sentier perdu du bois qui aboutit à la clairière de Ralph, et d'après celle de leurs paroles, que le vent n'emportait pas, ils semblaient attendre un quatrième personnage. « Dites donc, Kennyball, savez-vous qu'à cette heure-ci nous n'attendrions pas aussi paisiblement cet envoyé du comte Griffenfeld dans la prairie voisine, la prairie du lutin Tulbitibé, ou là-bas, dans la baie de Saint-Gudbert ?»« Ne parlez pas si haut, Jonas !» répondit le montagnard au vieux mineur. « Béni soit Ralph géant qui nous protège. Me préserve le ciel de remettre le pied dans la clairière de Tulbitibé. L'autre jour, j'y croyais cueillir de l'aubépine, et j'y ai cueilli de la mandragore, qui s'est mise à saigner et à crier, ce qui a failli me rendre fou. » Le jeune mineur se prit à rire. « En vérité, Kennyball, je crois, moi, que le cri de la mandragore a bien produit tout son effet sur votre pauvre cerveau. » « Pauvre cerveau toi-même !» dit le montagnard avec humeur. « Voyez, Jonas, il rit de la mandragore. Il rit comme un insensé qui joue avec une tête de mort. » repartit Jonas. « Qu'il aille donc à la grotte de Valderhog, où les têtes de ceux que Anne, démon d'Islande, a assassinés, reviennent chaque nuit danser autour de son lit de feuilles sèches, en entrechoquant leurs dents pour l'endormir. » « Cela est vrai, » dit le montagnard. « Mais, » reprit le jeune homme, « le seigneur à quai que nous attendons, ne nous a-t-il pas promis que Andisland se mettrait à la tête de notre insurrection ?»« Il l'a promis, » répondit Kennyball, « et avec l'aide de ce démon, nous sommes sûrs de vaincre toutes les casaques vertes de Trondheim et de Copenhague. »« Tant mieux, » s'écria le vieux mineur. « Mais ce n'est pas moi qui me chargerai de faire la sentinelle la nuit près de lui. » En ce moment, le craquement des bruyères mortes sous des pas d'homme appela l'attention des interlocuteurs. Ils se détournèrent et un rayon du foyer leur fit reconnaître le nouveau venu. « C'est lui, c'est le seigneur Aké. »« Salut, seigneur Aké. Vous vous êtes fait attendre. Voilà plus de 3/4 d'heure que nous sommes au rendez-vous. » Ce seigneur Aké était un homme petit et gras, vêtu de noir, dont la figure joviale avait une expression sinistre. « Bien, mes amis, dit-il, j'ai été retardé par mon ignorance du chemin et les précautions qu'il m'a fallu prendre. J'ai quitté le comte Schumacher ce matin. Voici 3 bourses d'or qu'il m'a chargé de vous remettre. » Les deux vieillards se jetèrent sur l'or avec l'avidité commune aux paysans de cette pauvre Norvège. Le jeune mineur repoussa la bourse que lui tendait Aké. « Gardez votre or, seigneur envoyé. Je mentirais si je disais que je me révolte pour votre comte Schumacher. Je me révolte pour affranchir les mineurs de la tutelle royale. Je me révolte pour que le lit de ma mère n'ait plus une couverture déchiquetée comme les côtes de notre bon pays, la Norvège. » Loin de paraître déconcerté, le seigneur Aké répondit en souriant. « C'est donc à votre pauvre mère, mon cher Norbit, que j'enverrai cet argent, afin qu'elle ait 2 couvertures neuves pour les bises de cet hiver. » Le jeune homme se rendit par un signe de tête, et l'envoyé, en orateur habile, se hâta d'ajouter « Mais gardez-vous de répéter ce que vous venez de dire inconsidérément, que ce n'est pas pour Schumacher, comte de Griffenfeld, que vous prenez les armes. » « Cependant, murmurèrent les deux vieillards, « nous savons bien qu'on opprime les mineurs, mais nous ne connaissons pas ce comte, ce prisonnier d'État. » « Comment ? » reprit vivement l'envoyé. « Pouvez-vous être ingrat à ce point ? Vous gémissiez dans vos souterrains, privés d'air et de jour, dépouillés de toute propriété, esclaves de la plus onéreuse tutelle. Qui est venu à votre aide ? Qui a ranimé votre courage ? Qui vous a donné de l'or, des armes ? N'est-ce pas mon illustre maître, le noble comte de Griffenfeld, plus esclave et plus infortuné encore que vous ? Et maintenant, comblé de ses bienfaits, vous refuseriez de vous en servir pour conquérir sa liberté, en même temps que la vôtre ? Vous avez raison, interrompit le jeune mineur, ce serait mal agir. Oui, seigneur Aké, dirent les deux vieillards, nous combattrons pour le comte Schumacher. Courage, mes amis, levez-vous en son nom, portez le nom de votre bienfaiteur d'un bout de la Norvège à l'autre. Écoutez, tout seconde votre juste entreprise. Vous allez être délivré d'un formidable ennemi, le général Levin de Knud, qui gouverne la province. La puissance secrète de mon noble maître, le comte de Griffenfeld, va le faire rappeler momentanément à Bergen. Allons, dites-moi, Kennybol, Jonas, et vous, mon cher Norbit, tous vos compagnons sont-ils prêts ? « Mes frères de Gulbranschal, dit Norbit, n'attendent que mon signal. Demain, si vous voulez. »« Demain, soit. Il faut que les jeunes mineurs dont vous êtes le chef lèvent les premiers l'étendard. Et vous, mon brave Jonas ? » ?»« 600 braves des îles Faroer, qui vivent depuis 3 jours de chair de chamois et d'huile d'ours dans la forêt de Benalag, ne demandent qu'un coup de trompe de leur vieux capitaine Jonas, du bourg de Loewig. Fort bien. Et vous, Kennybol ? Tous ceux qui portent une hache dans les gorges de col et gravissent les rochers sans genouillères sont prêts à se joindre à leurs frères les mineurs quand ils auront besoin d'eux. Il suffit. Annoncez à vos compagnons, pour qu'ils ne doutent pas de vaincre, ajouta l'envoyé en haussant la voix, que Andisland sera le chef. « Cela est-il certain ? » demandèrent-ils tous 3 ensemble, et d'une voix où se mêlait l'expression de la terreur et celle de l'espérance. L'envoyé répondit « Je vous attendrai tous 3, dans 4 jours, à pareille heure, avec vos colonnes réunies, dans la mine d'Apsilcort, près le lac de Smiassen, sous la plaine de l'Étoile Bleue. Andisland m'accompagnera. » « Nous y serons !» dirent les 3 chefs. « Et puisse Dieu ne pas abandonner ceux qu'aidera le démon. »« « Ne craignez rien de la part de Dieu, » dit Hackett en ricanant. « Écoutez, vous trouverez, dans les vieilles ruines de Crag, des enseignes pour vos troupes. N'oubliez pas le cri « Vive Schumacher, sauvons Schumacher !» Il faut que nous nous séparions. Le jour ne va pas tarder à paraître. Mais auparavant, jurez le plus inviolable secret sur ce qui se passe entre nous. » Sans répondre une parole, les trois chefs s'ouvrirent la veine du bras gauche avec la pointe d'un sabre. Ensuite, saisissant la main de l'envoyé, ils y laissèrent couler chacun quelques gouttes de sang. « Vous avez notre sang !» lui dirent-ils. Puis le jeune s'écria « Que tout mon sang s'écoule, comme celui que je verse en ce moment. Qu'un esprit malfaisant se joue de mes projets, comme l'ouragan d'une paille. Que mon bras soit de plomb pour venger une injure. Que les chauves-souris habitent mon sépulcre. Que je sois vivant, hanté par les morts. Mort, profané par les vivants. Que mes yeux se fondent en pleurs, comme ceux d'une femme, si jamais je parle de ce qui a lieu à cette heure dans la clairière de Ralph le géant. Daigne les bienheureux saints m'entendre. » Amen, répétèrent les deux vieillards. Alors ils se séparèrent, et il ne resta plus dans la clairière que le foyer à demi éteint, dont les rayons mourants montaient par intervalles jusqu'au faîte des tours ruinées et solitaires de Ralph le géant. Chapitre 19. Théodore. Tristan, fuyons par ici. Tristan. C'est une étrange disgrâce. Théodore. Nous aura-t-on reconnu? Tristan. Je l'ignore et j'en ai peur. Lope de Vega, le chien du jardinier. Béninus Piagudry se rendait difficilement compte des motifs qui pouvaient pousser un jeune homme bien constitué et paraissant avoir encore de longues années de vie devant lui, tel que son compagnon de voyage, à se porter l'agresseur volontaire du redoutable Handisland. Bien souvent, depuis qu'ils avaient commencé leur route, il avait abordé adroitement cette question. Mais le jeune aventurier gardait, sur la cause de son voyage, un silence obstiné. Le pauvre homme n'avait pas été plus heureux dans toutes les autres curiosités que son singulier camarade devait naturellement lui inspirer. Une fois, il avait hasardé une question sur la famille et le nom de son jeune maître. « Appelez-moi ordinaire, » avait répondu celui-ci. Et cette réponse peu satisfaisante était prononcée d'un ton qui interdisait la réplique. Il fallait donc se résigner. Chacun a ses secrets. Et le bon Spiagudry lui-même ne cachait-il pas soigneusement, dans sa besace et sous son manteau, certaines cassettes mystérieuses sur laquelle toute recherche lui eût semblé fort déplacée et fort désagréable. Ils avaient quitté Trondheim depuis 4 jours, sans avoir fait beaucoup de chemin, tant en raison du dégât causé par les routes par l'orage, que de la multiplicité des voies de traverses et détours que le concierge fugitif croyait prudent de prendre pour éviter les lieux trop habités. Après avoir laissé Skongen à leur droite, vers le soir du 4e jour, ils atteignirent la rive du lac de Sparbo. C'était un tableau sombre et magnifique que cette vaste nappe d'eau, réfléchissant les derniers rayons du jour et les premières étoiles de la nuit, dans un cadre de hauts rochers, de sapins noirs et de grands chênes. L'aspect d'un lac, le soir, produit quelquefois, à une certaine distance, une singulière illusion d'optique. C'est comme si un abîme prodigieux, perçant le globe de part en part, laissait voir le ciel à travers la terre. Ordener s'arrêta, contemplant ces vieilles forêts druidiques qui couvrent les rivages montueux du lac comme une chevelure et les huttes crayeuses de Sparbo, répandues sur une pente, ainsi qu'un troupeau épars de chèvres blanches. Il écoutait les bruits lointains des forges. Footnote, les eaux du lac de Sparbo sont renommées pour la trempe de l'acier. mêlés aux sourds mugissements des grands bois magiques, aux cris intermittents des oiseaux sauvages et à la grave harmonie des vagues. Au nord, un immense rocher de granit, encore éclairé par le soleil, s'élevait majestueusement au-dessus du petit hameau d'Oelmoe. Puis sa tête se courbait sous un amas de tours ruinées, comme si le géant eût été fatigué du fardeau. Quand l'âme est triste, les spectacles mélancoliques lui plaisent. Elle les rend brunis de toute sa tristesse. Qu'un malheureux soit jeté parmi les sauvages et hautes montagnes, près d'un sombre lac, d'une noire forêt, au moment où le jour va disparaître, il verra cette scène grave, cette nature sérieuse, en quelque sorte à travers un voile funèbre. Il ne lui semblera pas que le soleil se couche, mais qu'il meure. Ordener rêvait, silencieuse et immobile, quand son compagnon s'écria « À merveille, jeune seigneur, il est beau de méditer ainsi devant le lac de Norvège, qui renferme le plus de pleuronectes. » Cette observation et le geste qui l'accompagnait eussent fait sourire tout autre qu'un amant séparé de sa maîtresse, pour ne la revoir peut-être plus. Le savant concierge poursuivit. Pourtant, souffrez que je vous enlève à votre docte contemplation pour vous faire remarquer que le jour décline et qu'il faut nous hâter si nous voulons arriver au village d'Oelmoe avant le crépuscule. La remarque était juste. Ordener se remit en marche et Spiagudry le suivit en continuant ses réflexions mal écoutées sur les phénomènes botaniques et physiologiques que le lac de Sparbo présente aux naturalistes. « Seigneur Ordener, disait-il, si vous en croyez votre dévoué guide, vous abandonneriez votre funeste entreprise. Oui, Seigneur, et vous vous fixeriez ici, sur les bords de ce lac si curieux, où nous pourrions nous livrer ensemble à une foule de doctes recherches, par exemple à celle de l'Astella Canora palustris, plante singulière que beaucoup de savants croient fabuleuse, mais que l'évêque Arngrim affirme avoir vu et entendu sur les rives du Sparbo. Ajoutez à cela que nous aurions la satisfaction d'habiter le sol de l'Europe qui renferme le plus de gypses, et où les sicaires de la Thémis de Trondheim pénètrent le moins. Cela ne vous sourit-il pas, mon jeune maître? Allons, renoncez à votre voyage insensé, car sans vous offenser, votre entreprise est périlleuse, sans profit, periculum sine pecunia, c'est-à-dire insensée, et conçue dans un moment où vous auriez mieux fait de penser à autre chose. » Ordener, qui ne prêtait aucune attention aux paroles du pauvre homme, n'entretenait la conversation que par ces monosyllabes insignifiants et distraits que les grands parleurs prennent pour des réponses. C'est ainsi qu'ils arrivèrent au hameau d'Oelmoe, sur la place duquel un mouvement inusité se faisait en ce moment remarquer. Les habitants, chasseurs, pêcheurs, forgerons, sortaient de toutes les cabanes et accouraient se grouper autour d'un tertre circulaire, occupé par quelques hommes, dont l'un sonnait du cor en agitant au-dessus de sa tête une petite bannière blanche et noire. « C'est sans doute quelque charlatan, » dit Spiagudry, « Ambubayarum collegia, pharmacopolae, quelque misérable qui convertit l'or en plomb et les plaies en ulcères. Voyons, quelle invention de l'enfer va-t-il vendre à ces pauvres campagnards? Encore, si ces imposteurs se bornaient au roi, s'ils imitaient tous le Danois Bork et le Milanais Bori, ces alchimistes qui se jouèrent si complètement de notre Frédéric III. Footnote, Frédéric III fut la dupe de Bork ou Boricus, chimiste danois, et surtout de Bori, charlatan milanais, qui se disait le favori de l'archange Michel. Cet imposteur, après avoir émerveillé de ses prétendus prodiges Strasbourg et Amsterdam, agrandit la sphère de son ambition et la témérité de ses mensonges. Après avoir trompé le peuple, il osa tromper les rois. Il commença par la reine Christine à Hambourg et termina par le roi Frédéric à Copenhague. mais il leur faut le denier du paysan non moins que le million du prince. » Spiagudry se trompait. En approchant du monticule, ils reconnurent, à sa robe noire et à son bonnet rond et aigu, un syndic environné de quelques archers. L'homme qui sonnait du cor était le crieur des édits. Le gardien fugitif, troublé, murmura à voix basse. « En vérité, seigneur ordinaire, en entrant dans cette bourgade, je ne m'attendais guère à tomber sur un syndic. Me protège le grand Saint-Hospice. Que va-t-il dire ?» Son incertitude ne fut pas longue, car la voix glapissante du crieur des édits s'éleva tout à coup, religieusement écoutée par la petite foule des habitants d'Oelmoé. « Au nom de sa majesté, et par ordre de son excellence le général Levin de Knud, gouverneur, le haut syndic du Drontemus fait savoir à tous les habitants des villes, bourgs et bourgades de la province que, premièrement, la tête de Han, natif de Klipstadur en Islande, assassin et incendiaire, est mise au prix de 1000 écus royaux. » Un murmure vague éclata dans l'auditoire. Le crieur poursuivit. « Deuxièmement, la tête de Béninus Piagudry, nécromant et sacrilège, ex-gardien du Splagues de Drontheim, est mise au prix de 4 écus royaux. Troisièmement, cet édit sera publié dans toute la province par les syndics des villes, bourgs et bourgades qui en faciliteront l'exécution. » Le syndic prit l'édit des mains du crieur et ajouta d'une voix lugubre et solennelle « La vie de ces hommes est offerte à qui voudra la prendre. » Le lecteur se persuadera aisément que cette lecture ne fut pas écoutée sans quelque émotion par notre pauvre et malencontreux Spiagudry. Nul doute même que les signes extraordinaires d'effroi qui lui échappèrent en ce moment n'eussent appelé l'attention du groupe qui l'environnait, si elle n'eût été entièrement absorbée par la première partie de l'édit syndical. « La tête de Han a pris !» s'écria un vieux pêcheur qui était venu traînant ses filets humides. « Il ferait tout aussi bien, par Saint-Usulphe, de mettre à prix également la tête de Belzébuth. » Pour garder la proportion entre Han et Belzébuth, il faudrait, dit un chasseur, reconnaissable à sa veste de peau de chamois, qu'ils offrissent seulement 1500 écus du chef cornu du dernier démon. Gloire soit à la Sainte Mère de Dieu, ajouta en roulant son fuseau une vieille dont le front chauve branlait. Je voudrais voir la tête de ce Han, afin de m'assurer que ses yeux sont deux charbons ardents, comme on le dit. Oui, sûrement, reprit une autre vieille. C'est seulement en la regardant qu'il a brûlé la cathédrale de Drontheim. Moi, je voudrais voir le monstre tout entier, avec sa queue de serpent, son pied fourchu et ses grandes ailes de chauve-souris. Qui vous a fait ces contes, bonne mère ? Interrompit le chasseur d'un air de fatuité. J'ai vu, moi, ce Han d'Islande dans les gorges de Medsia. C'est un homme fait comme nous. Seulement, il a la hauteur d'un peuplier de 40 ans. « Vraiment ? » dit avec une expression singulière une voix dans la foule. Cette voix, qui fit tressaillir Spiagudry, était celle d'un petit homme dont le visage était caché sous un large feutre de mineur et le corps couvert d'une natte de jonc et de poils de veau marin. « Sur ma foi !» reprit avec un rire épais un forgeron qui portait son grand marteau en bandoulière. « Qu'on offre pour sa tête 1000 ou 10 000 écus royaux, qu'il ait 4 ou 40 brasses de hauteur, ce n'est pas moi qui me chargerai d'aller y voir. »« Ni moi, » dit le pêcheur. « Ni moi, ni moi, ni moi, » répétèrent toutes les voix. « Celui pourtant qui en serait tenté, » reprit le petit homme, « trouvera en Islande demain, dans la ruine d'Arbar, près le Smiassen. Après-demain, dans la grotte de Waldeyrog. » Bravo, m'en êtes-vous sûr ? Cette question fut faite à la fois par Ordener, qui assistait à cette scène avec un intérêt facile à comprendre pour tout autre que Spiagudry, et par un autre petit homme, assez replet, vêtu de noir, d'un visage gai, et qui était sorti, au premier son de la trompe du crieur, de la seule auberge que renferma la bourgade. Le petit homme au grand chapeau parut les considérer un instant tous deux et répondit d'une voix sourde. « Oui. »« Et comment le savez-vous pour pouvoir l'affirmer ?» demanda Ordener. « Je sais où est Andisland, comme je sais où est Beninus Piagudry. Ni l'un ni l'autre ne sont loin d'ici en ce moment. » Toutes les terreurs se réveillèrent dans le pauvre concierge, osant à peine regarder le mystérieux petit homme et se croyant mal caché sous sa perruque française. Il se mit à tirer le manteau d'Ordener en disant à voix basse « Maître, seigneur, au nom du ciel, de grâce, par pitié, allons-nous-en, sortons de ce maudit faubourg de l'enfer !» Ordener, surpris comme lui, examinait attentivement le petit homme qui, tournant le dos au jour, paraissait soigneux de cacher ses traits. « Ce Beninus Piagudry !» s'écria le pêcheur. « Je l'ai vu au Splatgest de Trondheim. C'est un grand !»« C'est celui dont on offre 4 écus. » Le chasseur éclata de rire. « 4 écus ! Ce n'est pas moi qui chasserai celui-là. On paie plus cher la peau d'un renard bleu. » Cette comparaison, qui dans tout autre temps eût fort désobligé le savant concierge, le rassura cette fois. Il allait néanmoins adresser une nouvelle prière à Ordener pour le décider à poursuivre leur chemin, quand celui-ci, sachant ce qu'il lui importait de savoir, le prévint en sortant du rassemblement qui commençait à s'éclaircir. Quoi qu'ils eussent, en arrivant au hameau d'Oelmoe, l'intention d'y passer la nuit, ils le quittèrent tous deux, comme par une convention tacite, sans même s'interroger sur le motif de leur départ précipité. Celui d'Ordener était l'espérance de rencontrer plus tôt le brigand. Celui de Spiagudry, le désir de s'éloigner plus vite des archers. Ordener avait l'esprit trop grave pour rire des mésaventures de son compagnon. Ce fut d'une voix affectueuse qu'il rompit le premier le silence. « Vieillard, quelle est donc déjà cette ruine où l'on pourra trouver demain Andisland, à ce qu'affirme ce petit homme qui paraît tout savoir ?»« Je l'ignore, j'ai mal entendu, noble maître, » dit Spiagudry, qui en effet ne mentait pas. « Il faudra donc, » continua le jeune homme, « se résigner à ne le rencontrer qu'après-demain, à cette grotte de Walderhog. » « La grotte de Walderhog, seigneur, c'est en effet la demeure favorite de Andisland. »« Prenons-en le chemin, » dit Ordener. « Tournons à gauche, derrière le rocher d'Oelmoe. Il faut moins de 2 journées pour arriver à la caverne de Walderhog. »« Connaissez-vous, vieillard, » reprit Ordener avec ménagement, « ce singulier homme qui semble si bien vous connaître ?» Cette question réveilla dans Spiagudry les craintes qui commençaient à s'affaiblir à mesure qu'il s'éloignait de la bourgade d'Oelmoe. « Non, vraiment, seigneur, » répondit-il d'une voix presque tremblante. « Seulement, il a une voix bien étrange. » Ordener chercha à le rassurer. « Ne craignez rien, vieillard. Servez-moi bien, je vous protégerai de même. Si je reviens vainqueur de Han, je vous promets non seulement votre grâce, mais encore l'abandon des 1000 écus royaux qui sont offerts par la justice. » L'honnête Beninus aimait extraordinairement la vie, mais il aimait l'or prodigieusement. Les promesses d'Ordener furent comme des paroles magiques. Non seulement elles bannirent toutes ses frayeurs, mais encore elles réveillèrent en lui cette sorte d'hilarité loquace, qui s'épanchait en longs discours, en gesticulations bizarres et en savantes citations. « Seigneur Ordener, dit-il, quand je devrais subir à ce sujet une controverse avec Overbilzeut, autrement dit le bavard, non, rien ne m'empêcherait de soutenir que vous êtes un sage et honorable jeune homme. Quoi de plus digne et de plus glorieux, en effet? Quid citara tuba vel campania dignius, que d'exposer noblement sa vie pour délivrer son pays d'un monstre, d'un brigand, d'un démon, en qui tous les démons, les brigands et les monstres semblent réunis. Qu'on ne m'aille pas dire qu'un sordide intérêt vous guide. Le noble seigneur ordinaire abandonne le salaire de son combat aux compagnons de son voyage, au vieillard qui l'aura conduit seulement à 1 mille de la grotte de Waldérog. Car, n'est-il pas vrai, jeune maître, que vous me permettrez d'attendre le résultat de votre illustre entreprise au hameau de Surbe, situé à 1 mille du rivage de Waldérog, dans la forêt? Et quand votre éclatante victoire sera connue, seigneur, ce sera dans toute la Norvège une joie pareille à celle de Vermude le proscrit. Quand, du sommet de ce même rocher d'Oelmoé que nous côtoyons maintenant, il aperçut le grand feu que son frère Avdan avait allumé en signe de délivrance sur le donjon de Munkholm. À ce nom, Ordener interrompit vivement. « Quoi ? Du haut de ce rocher, on aperçoit le donjon de Munkholm ? Oui, seigneur, à 12 000 au sud, entre les montagnes que nos pères nommaient les Escabelles de Frigga. À cette heure, on doit voir parfaitement le phare du donjon. » Vraiment ? S'écria Ordener, qui s'élançait vers l'idée de revoir encore une fois le lieu où était tout son bonheur. Vieillard, il y a sans doute un sentier qui conduit au sommet de ce rocher. Oui, sans doute, un sentier qui prend naissance dans le bois où nous allons entrer, et s'élève, par une pente assez douce, jusqu'à la tête nue du rocher, sur laquelle il se continue en gradins taillés dans le roc par les compagnons de Vermude le proscrit, au château duquel il aboutit. Ce sont ces ruines que vous pouvez voir au clair de la lune. Eh bien, vieillard, vous allez m'indiquer le sentier. C'est dans ces ruines que nous passerons la nuit, dans ces ruines d'où l'on voit le donjon de Munkholm. Y pensez-vous, seigneur ? Dit Béninus. La fatigue de cette journée. Vieillard, j'aiderai votre marche. Jamais mon pas ne fut plus ferme. Seigneur, les ronces qui obstruent ce sentier depuis si longtemps abandonné, les pierres dégradées, la nuit. Je marcherai le premier. Peut-être quelque bête malfaisante, quelque animal impur, quelque monstre hideux. Ce n'est pas pour éviter les monstres que j'ai entrepris ce voyage. L'idée de s'arrêter si près d'Oelmoe déplaisait fort à Spiagudry. Celle de voir le phare de Munkholm et peut-être la lumière de la fenêtre d'Etel enchantait et entraînait Ordener. « Mon jeune maître, dit Spiagudry, abandonnez ce projet, croyez-moi, j'ai le pressentiment qu'il nous portera malheur. » Cette prière n'était rien devant ce que désirait Ordener. « Allons, dit-il avec impatience, songez que vous vous êtes engagé à me bien servir. Je veux que vous m'indiquiez ce sentier. Où est-il ? » ?»« Nous allons y arriver tout à l'heure, dit le concierge, forcé d'obéir. En effet, le sentier s'offrit bientôt à eux. Ils y entrèrent, mais Spiagudry remarqua, avec un étonnement mêlé d'effroi, que les hautes herbes étaient couchées et brisées, et que le vieux sentier de Vermude le proscrit paraissait avoir été foulé récemment.